Moi, je suis pas capable de penser. OK? Autrement dit, étant pas capable de penser, ça veut dire qu'il y a des parties de mon cerveau physique qui sont contrôlées par mon cerveau éthérique. C'est mon cerveau éthérique qui ronne. Fait que, comme c'est mon cerveau éthérique qui ronne, c'est selon le perfectionnement de mon cerveau éthérique que moi je peux parler. C'est pas selon la mémoire de mon cerveau physique. Tandis que vous autres, vous avez de l'éthérique, mais vous avez aussi du physique qui fonctionne, vous avez les deux. Puis c'est ça qui fait que vous ne savez pas si c'est l'astral ou si c'est l'ajusteur à penser. C'est ça la pointe. Quand vous aurez un de l'éthérique, mais à ce moment-là, vous saurez que c'est ce qu'on appelle pour le moment l'ajusteur à penser. Vous ne serez pas prêt entre les deux. Mais tant que vous avez un petit peu d'éthérique puis du physique astralisé ou l'astral dans le physique, là, vous êtes prêt entre les deux puis vous recevez des communications. Puis des fois, vous pensez que ça vient d'ajusteur à penser puis ça vient d'astral. Ça marche, ça? Lorsqu'on reçoit suffisamment de vibrations pour émettre des sons, émettre des paroles, et que ces paroles, on n'a aucun contrôle dessus, et que les gens nous font remarquer que c'est drôlement intelligent ce qui sort, évidemment, on en prend conscience. À ce moment-là, ça pousse la vie, là. Qu'est vibratoirement l'ajusteur. Tout ce qui rentre par le système de pensée, oui. Ça se parle en anglais. En circonstance, oui. Conventionnel, l'isolance sonore dans l'aide, ça peut m'arriver une fois pour vous aider avec quelque chose. En ce qui concerne le reste, je n'en sais absolument rien. Oui. Mais c'est ça, je dis, plus le cerveau éthérique est perfectionné, moins il y a de possibilités d'erreur dans ce que vous dites. Parce que moins il y a d'astral. Autrement dit, vous pouvez, quand le cerveau se perfectionne très rapidement, parce que vous conscientisez rapidement, vous pouvez avoir beaucoup d'intelligence, mais pas nécessairement parfaite encore. Ça, c'est l'astral. Le fait qu'il y a encore deux. Vous fonctionnez comme sur deux circuits. Le circuit matériel du cerveau et le circuit éthérique du cerveau. C'est ça qui crée. Vous devriez dire que lorsque on peut émettre sans avoir notion qu'on émet, ou sans être conscient de ce qu'on émet, c'est l'astral tout aussi bien qui peut nous jouer ce sale tour qu'on prétend être l'ajusteur qui émet. Non, mais je dis que le fait que vous avez de l'astral peut colorer ce que vous émettez. Vous pouvez le colorer. Tandis que quand vous n'avez plus d'astral, quand l'astral n'a plus de pouvoir sur votre cerveau physique, c'est simplement l'éthérique qui a le pouvoir sur votre cerveau physique. Fait qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus en faire d'erreur. Mais d'ici à ce temps-là, vous pouvez en faire. C'est ça la fusion. C'est pour ça que je dis qu'il faut que vous fassiez attention à l'impression de savoir. Mais on n'a pas l'impression de savoir au moment où on y met. Quand on n'est pas conscient qu'on y met quelque chose d'important et que ça l'est, en fait. Ça l'est. Quand c'est les autres, je vais juste le dire. Exactement. Et quand c'est les autres, je vais le dire. Quand tu sais, il faut que ça vienne de toi. Quand tu sais... OK, d'abord, tu sais, t'es sûr, bien sûr. Ouais, c'est bien sûr. Tu poses la question. Ça n'a pas posé des sur point. Être sûr, ça a affaire avec la vibration du cerveau éthérique sur ou le pouvoir du cerveau éthérique sur le cerveau physique. C'est ça, être sûr, d'être sûr. Mais tu peux avoir l'impression d'être sûr, puis une impression d'être sûr, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant, l'impression d'être sûr. Moi, je me rappelle de Tigui Grotto. Il avait l'impression d'être sûr que le Sougmad, c'était... T'sais, avant que Bernard de Montréal me fasse sauter ça, il est venu manger du beurre. Passe-moi le beurre. J'ai dit à Tigui, moi, je peux pas t'enseigner. Mais je peux te montrer comment aller chercher de l'information. Il est allé chercher son information lui-même. On écoute parler d'abord souvent deux personnes, je pense qu'ils sont toutes de bonne volonté. Mais quand on parle des choses aussi subtiles qu'un ajusteur de pensée, quand on parle aussi subtil qu'un monde direct, qu'un intelligence direct, c'est pas une volonté qui peut en parler, qui peut expliquer quelque chose. Alors, moi, je préfère... Nous écouter quelqu'un qui se connaît parfaitement à la matière, que les idées personnelles de chacun sont très bonnes, mais sont quand même produites près de la trappe de l'État. Parce que moi, c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai eue avec mon acheteur de pensée, que moi, je dis que c'est mon acheteur de pensée, l'expérience que j'ai vécue avec, que j'ai discuté, que je me suis blessé, que je me suis vu à quelque part, c'est peut-être bien trivial pour tout le monde, mais je suis sûr que c'est pas enrichissant pour personne. Parce que c'est personnel, ces choses-là. Ça se raconte comme expérience, mais on ne peut pas dire que ça va se produire exactement cette matière-là de la même façon. Éternellement parlant, dans le cerveau de l'autre, exactement, sur la même longueur d'onde. C'est individuel, et théoriquement, atomiquement, c'est très individuel et personnel. Alors, c'est pour ça que quand on parle d'un être quelconque, c'est plutôt de l'énergie qui prend une forme, ouais, de la forme. Parce que éthériquement, notre cerveau n'est pas assez dans l'évolution de l'état parfait pour absorber de l'énergie à partir de l'invisible, pour comprendre à l'invisible et échanger avec l'invisible. Alors, l'ajusteur de pensée prend des formes, il se manifeste, il s'explique, il montre comment ça marche, il m'a montré comment c'est que ça fonctionnait, mais il m'a pas dit qu'il était un personnage. Il m'a parlé comme une partie de moi, qui était un personnage différent de moi. Mais moi, mon bras, là, il n'est pas comme mon pied, mais il est vraiment pas. Il fait partie de mon corps. Alors, j'ai compris que mon ajusteur est la partie de moi, mais pour l'instant, il n'est pas à moi. Il appartenait à moi, mais il était ailleurs. Il faisait un certain travail, théoriquement, à part, en relation avec moi. Il m'a expliqué que moi, que je puisse absorber ça, que je puisse vivre ça avec. Pour moi, c'est très difficile. Si je racontais l'expérience que j'ai eue avec, les gens, ça peut-être penseraient que ça marche comme ça. Et moi, je suis convaincu que ça marche comme ça. Pour les autres, j'aime mieux que ça vienne de toi, parce que toi, tu vas recevoir l'information qu'il faut à la mesure de tout le monde, à la fois au lieu de un. Au lieu que ce soit ton idée personnelle à toi, c'est ton idée qui va servir à tout le monde. En tout cas, c'est bien subtil, l'affaire du cerveau éthérique. Puis je vais en parler de plus en plus parce que ça devient de plus en plus important pour nous autres de comprendre la différence entre ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée et nous autres, éthériquement parlant. Parce qu'on n'est pas capable de comprendre la nature de l'unité puis la nature de la dualité en même temps. On n'est pas capable de comprendre l'unité puis la dualité en même temps. On est obligé de faire dans un temps l'unité et dans un temps la dualité. Mais les comprendre tous les deux en même temps, c'est bien difficile pour nous autres. Puis la raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce qu'on on interprète psychologiquement les formes qui sont utilisés dans ces deux temps-là. Il y a des lois de l'esprit qui ne doivent pas être connues de l'homme dans la matière avant que l'homme soit dans les terres. Alors, ces lois de l'esprit qui sont en suspension empêchent l'homme qui est dans la matière de comprendre parfaitement la relation entre l'unité et la dualité. Et c'est pour ça qu'on est obligé pendant des années de temps de s'accommoder les hommes de certaines notions qui sont très valables, telles l'ajusteur de pensée, et un jour on devra s'accommoder de d'autres choses. On sera obligé de s'accommoder de d'autres choses. Mais quand on s'accommodera de d'autres choses, on s'accommodera de ce que nous sommes éthériquement, célébralement. Le cerveau éthérique de l'homme sera le point. Le cerveau éthérique de l'homme sera éventuellement l'alpha et l'oméga de la création. Ça, c'est un autre point. Alors, si le cerveau éthérique de l'homme est l'alpha et l'oméga de la création, ça veut dire que le cerveau éthérique de l'homme établit la loi de la réalité. Alors, la loi de la réalité établie par le cerveau éthérique de l'homme, c'est une loi qui convient au perfectionnement de ce cerveau-là et non à la notion astrale qu'entretient l'homme à cause de ses émotions et de son intellect pour l'évolution de son esprit. Ça deviendra purement vibratoire, énergétique, cette affaire-là. Le cerveau de l'homme, le cerveau éthérique, doit devenir l'alpha et l'oméga de la création. Et même ça, on ne peut pas le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau éthérique de l'homme devienne l'alpha et l'oméga de la création? On peut l'expliquer au fur et à mesure qu'on parle, mais il faut qu'on le parle. Aussitôt qu'on parle, puis si on est obligé de parler, puis de parler, puis de parler, puis d'expliquer tout ce que. D'expliquer toutes les lois de l'esprit, bien on va parler tout. On va parler sans cesse. À un certain moment, il faut qu'on arrête de parler. À un certain moment, il faut qu'on vive, physiquement ou éthériquement. C'est évident qu'un homme qui a un cerveau éthérique développé, il peut parler, puis parler, puis parler, puis parler, puis parler, puis parler. Tu viens tant, tu n'as plein de cul de parler. Moi, j'en ai plein de cul de parler. Moi, je suis rendu totalement écœuré de la connaissance puis de l'intelligence. J'en ai plein de casse. J'en ai ras-le-bol. Je suis intéressé. Je suis bien plus intéressé à planter mes clous chez nous. Je suis intéressé. Parce que ça devient fatigant pour le cerveau humain de transposer ce que le cerveau éthérique sait. C'est comme mettre une main, la mère à boire d'un petit verre, la main d'un petit verre, la main d'un petit verre. Tu viens écœuré. Moi, je suis totalement écœuré, intéressant. J'en ai drôle bonne. Moi, j'ai sort de sacré mon cœur. Thank you. Parce que ça n'arrête plus. On n'a pas de notion de l'infinité, puis on n'a pas de compréhension que notre cerveau éthérique, c'est une machine à fabriquer de l'infinité. Notre cerveau éthérique fabrique de l'infinité. T'sais, là, je vous le dis, là, j'ai jamais pensé à ça, là. Je vous le dis, là, puis là, ça rentre, là, puis j'en fabrique encore. J'en fabrique encore. J'ai plein de cul. Le cerveau éthérique de l'homme, c'est une machine à fabriquer de l'infinité. Je pense que la plus grande chose que j'ai réalisée dans ma vie, c'est que de l'intelligence, c'est fatigant. Parce que c'est l'imposition d'une machine qui fabrique de l'infinité sur une autre composition mécanique qui reçoit de l'infinité. C'est pour ça que moi, je sais très bien que la connaissance est une maudite illusion. Que la mémoire, puis la faculté de la mémoire et de l'astral, puis les notions que j'attaque dernièrement. Une fois que l'homme va avoir sorti ça, il va être bête. L'infinité. C'est pas qu'une notion, l'infinité. L'infinité, ça se fabrique. L'infinité des mondes, ça a été fabriqué par des esprits. Par l'esprit, l'infinité des mondes. C'est l'esprit qui a fabriqué l'infinité des mondes en transmutant constamment l'énergie indifférenciée en énergie différenciée. C'est ça la fonction de l'esprit, c'est de transformer l'énergie, prendre de l'énergie indifférenciée, puis la rendre différenciée. C'est la fonction du cerveau éthérique. Quand tu es pris dans un corps matériel et tu fais la même chose au niveau des mots, tu viens à un point qui n'a plein de casse. Quand tu es dans l'éther et tu sers de ton cerveau éthérique puis tu fabriques de l'infinité, tu crées de l'infinité en réajustant constamment le rayonnement atomique de la conscience du plan où tu es, là c'est un autre pays de manche. Au moins tu es actif, tu es dans ton médium, tu es dans le médium de l'intelligence. Mais quand tu es dans un médium purement stabilisé, un médium solide, gazeux ou liquide, qui est le monde matériel, à ce moment-là, c'est une maudite tension. Subir constamment ce jeu-là de ton cerveau éthérique sur ton cerveau physique. Tu sais, quand je disais à un séminaire qu'un jour, ils m'ont flanqué devant un aquarium pendant 5 heures de temps. Hey, chose, c'est toute une patente. Les petits crises de poisson pendant 5 heures de temps, là, dit qu'il n'a plein de cul, poisson. Ça fait encore partie de la fabrication du cerveau éthérique, la fabrication de l'infinité du cerveau éthérique, qui organise constamment du matériel, qui te permet, oui, de constamment recevoir le matériel. Alors, le cerveau éthérique peut créer constamment du matériel, des structures atomiques, pourquoi? Pour que toi, tu puisses recevoir des formes qui sont faites de ces structures atomiques-là. Si tu regardes une forme pensée, tu prends une forme pensée comme tu prends la forme pensée du mal, le mal, ce qu'on appelle le mal. Tu regardes rien que la forme pensée du mal, tu commences à rentrer là-dedans, puis rentrer là-dedans. Tu vois le mal, tu découvres le mal, tu vois ses lois, le mal. C'est une infinité, cette affaire-là. Puis ensuite, tu regardes le bien, c'est la même chose. Puis tu regardes les autres notions qu'on a dans notre vie, tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité. Fait que, ben, éventuellement, tu veux plus fonctionner au niveau de la notion, tu veux plus fonctionner au niveau de la connaissance, t'es plus intéressé à la connaissance, t'es intéressé à la paix, le vide. Puis le vide, c'est quoi? C'est l'activité créative du cerveau éthérique quand il ne se sert pas d'une forme pour imposer sur le cerveau matériel une notion quelconque. Que j'appelle l'astral. Autrement dit, qu'est-ce que c'est l'astral? C'est l'activité du cerveau éthérique qui se sert d'une énergie pour créer une forme. Ça, c'est intéressant. L'astral, c'est l'activité du cerveau éthérique qui se sert de l'énergie pour créer une forme de basse vibration qui sert à l'homme en attendant parce qu'il y a un cerveau qui ne peut pas recevoir l'énergie pure du cerveau éthérique. C'est ça, l'astral. Alors, la création de l'astral, la création de ce qu'on appelle, nous autres, les formes, les illusions, c'est créé par le cerveau éthérique, c'est-à-dire que c'est créé par l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que c'est créé pour des raisons de développement du corps éthérique, du cerveau éthérique. L'astral est important pour ceci, mais l'astral, un jour, doit être compris. Cette loi-là doit être comprise un jour pour que l'homme passe la forme de son cerveau éthérique et en bénéficie. Sans ça, il est assujetti constamment à ce qu'on appelle les lois vibratoires de l'ajusteur de pensée, qui sont en fait les lois mécaniques créatives du cerveau éthérique, de son pouvoir sur le cerveau matériel, qui enregistre des formes que l'on appelle, nous autres, astrales, dont on a donné la notion astrale, parce qu'on ne connaît pas l'oméga, l'alpha et l'oméga de l'astral. On connaît simplement l'influence de l'astral, mais l'alpha et l'oméga de l'astral, on ne connaît pas. Et l'alpha et l'oméga de l'astral provient et créé de l'alpha et de l'oméga du cerveau éthérique. Et chaque oméga et chaque alpha-oméga est assujetti à un alpha-oméga plus grand, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je sais qu'au-delà du cerveau éthérique humain de l'homme, il y a un autre cerveau. Au-delà du cerveau éthérique de l'homme, il y a un autre cerveau. Et ce n'est pas un cerveau individuel, ce n'est pas un cerveau qui est personnel, c'est un cerveau qui est collectif. Et ce cerveau-là, il n'existe pas dans notre civilisation. Il n'existe pas dans notre système solaire. T'sais. Ce que j'appelle les grands frères, là. J'en ai déjà parlé des frères. Là. Les frères sont un autre cerveau. Et ces cerveaux-là ont créé notre cerveau éthérique qui a créé l'astral. Et on doit remonter, nous autres. Et l'évolution, ça commence où on sort du pouvoir de l'astral sur notre cerveau mécanique, humain, matériel, pour prendre conscience de notre cerveau éthérique, pour détruire l'influence astrale des formes sur notre cerveau matériel, pour perdre la fonction de notre cerveau matériel, pour développer le cerveau éthérique, pour rentrer dans le corps et la conscience éthérique, pour éventuellement laisser le corps matériel, pour éventuellement avoir le corps moronciel, pour éventuellement rentrer dans le grand frère. C'est l'évolution de l'homme. Puis, who knows? Peut-être que derrière les grands frères, il y a d'autres choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des notions puis vivre de notions, on capote. Tu commences à penser à ça, tu penses à des formes, tu n'arrêtes plus. C'est pour ça que la connaissance est une maudite illusion. Puis s'il y en a un sur la terre qui le sait, c'est moi. La connaissance est une illusion totale. La connaissance est une illusion créée par le cerveau éthérique pour que l'homme se serve de formes qu'on appelle nous autres astrales. Et ces formes-là, tu sais, des fois on se demande d'où c'est que ça vient le mal. On parle des forces luciférienne, patati patata, Satan, toute la gang, là. Bon. Le concept de Satan, c'est un concept absolument humain. pourquoi est-ce qu'il existe le concept de Satan? Parce qu'il existe dans le cosmos des cerveaux éthériques qui sont tellement imparfaits que ces cerveaux éthériques-là sont capables de créer des conditions, des formes intelligentes, mais ils n'ont pas été créés par nous autres. Ils n'ont pas été créés par le cerveau éthérique humain. Ils ont été créés par d'autres cerveaux éthériques dont ces formes-là, plus puissantes, régissent nos formes à nous autres. C'est pour ça que l'astral humain est régi par ce qu'on appelle nous autres les forces sataniques. Parce que les cerveaux éthériques de ces entités-là sont plus puissants que nos cerveaux éthériques à nous autres. Alors, ils ont créé des formes plus puissantes que nous autres et ce sont ces formes-là qui régissent nos formes astrales comme ces cerveaux-là régissent nos cerveaux éthériques. Tant que nos cerveaux éthériques ne sont pas amenés à la pleine conscience. Et c'est pour ça que dans le système solaire aujourd'hui, ici, dans notre système solaire, les cerveaux éthériques plutoniens régissent les cerveaux éthériques humains sur la Terre. Hitler et compagnie, là, les grands meurtriers, les hommes réellement négatifs, sont régis par des cerveaux éthériques. Le cerveau éthérique n'est pas assez fort, n'est pas assez perfectionné pour sortir de l'influence de ces cerveaux éthériques-là. Alors, automatiquement, ils sont prisonniers des formes créées par ces cerveaux éthériques-là sur l'astral humain. C'est pour ça qu'on dit que des gars comme Hitler sont des êtres qui sont possédés par les forces sataniques. Parce que leur cerveau éthérique est trop embryonnaire et il est contrôlé par les cerveaux éthériques plutoniens. Il y a une proportionnalité dans l'expansion du mal, il y a une proportionnalité dans la création des formes astrales, et la proportionnalité est toujours en fonction du développement chez les races en évolution d'un cerveau éthérique plus ou moins embryonnaire. En tout cas.